إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 25 dans l'explication de Masa'il al-Jahiliya avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et le point qu'on commence à expliquer aujourd'hui, c'est le point numéro 76. Al-Mas'alatu al-Sadisa wa-Sab'un. Et le point ou le sujet de ce point, c'est Al-Makru al-Shadid li-Tathbit al-Shirk wa-Daf' al-Haq. C'est-à-dire les ruses que les mushrikins font pour essayer d'établir le shirk et de repousser la vérité. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a exprimé ça en disant Al-Makru al-Kubbar ka fi'li qawmi Nuh. C'est-à-dire le grand stratagème ou la grande ruse, hein, comme l'exemple de ce que les gens du peuple de Noé ont fait pour établir le shirk et repousser le tawhid et repousser la vérité. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Makru isalu al-makruhi bi tariqatin khafiyya wa huwa naw'an, makrun hasan wa makrun sayyi. والمكر السيء هو الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا يستحقه قال تعالى في قوم نوح ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا كبارا نعم ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا والكبار هو العظيم فهم يمكرون بالناس مكرا عظيما بهذه الحيل وهذه الطرق الخبيثة التي يدعونهم بها إلى الشرك وإذا جاءتهم دعوة التوحيد حذروهم منها وقالوا هؤلاء يريدون أن يترأسوا عليكم ويريدون أن يتفضلوا عليكم. Donc le Cheikh il explique que المكر en arabe c'est de faire parvenir un mal sur quelqu'un d'une manière qui est subtile, c'est-à-dire on ne peut pas le distinguer, on ne peut pas le voir facilement. Et il y en a deux catégories de makr. Il y a deux catégories de makr, ou bien on peut le traduire en français par le terme une ruse ou un complot. Hein, tout ce qui a rapport avec le fait d'essayer d'atteindre quelqu'un ou de lui faire un mal quelconque. D'une manière qui n'est pas visible ou qui n'est pas claire, un complot, une ruse, un stratagème, une stratégie, quelque chose comme ça, qui fait que quelqu'un, on arrive à lui faire un mal quelconque sans qu'il s'en aperçoive ou sans que les gens autour puissent le percevoir directement. Donc ça c'est la définition de al-makr. Et il y en a deux catégories ou deux sortes. Il y a al-makr qui est bon et al-makr qui est mauvais. Le mauvais complot ou le bon complot. Le complot qui est mauvais ou la ruse qui est mauvaise, c'est lorsqu'on utilise des moyens ou des ruses subtiles pour faire parvenir un mal à quelqu'un alors que cet individu-là ne mérite pas ce mal. Comme par exemple, qu'est-ce qui est arrivé dans le peuple de Nuh, alayhi salam. Le peuple de Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, dans le verset 22 à 24 dans Surat Nuh, wa makaru makran kubbara. Ils ont fait une grande ruse ou un grand stratagème. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا et donc ils ont fait cette grande ruse, ce grand complot. Ils ont dit n'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas Wad et Suwa' et Yahush et Ya'uq et Nasr, qui étaient les cinq personnes qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala à cette époque, hein, cinq statues. Et ils ont certes égaré beaucoup de monde. Donc le cheikh explique que Kubbar, Wamakaru Makran Kubbara, Kubbar ça veut dire quoi? Ça veut dire grand, yani quelque chose qui est azim. Donc ils ont fait cette grande ruse, ce grand complot, ce grand stratagème. Avec ces ruses-là, c'est-à-dire ils ont utilisé ces moyens qui sont des moyens qui sont mauvais, qui sont sales, par lesquels ils appellent les hommes au shirk. Et lorsque la da'wah du tawhid leur arrive, leur parvient, ils avertissent les gens contre le tawhid. Ils les mettent en garde contre le tawhid. Et lorsque, ils les appellent au shirk et ils les mettent en garde contre le tawhid. Ça, c'est ça le grand complot. C'est ça le grand stratagème qu'ils ont fait. Et les moyens qu'ils ont utilisés pour ça, c'est de mettre en garde les gens en leur disant des choses comme, par exemple, ces gens-là qui viennent critiquer le shirk, ces gens-là qui viennent critiquer l'adoration de nos idoles, ils veulent juste essayer de venir prendre le pouvoir. Ils veulent juste essayer de venir prendre la position de chef parmi vous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent les intentions de ceux qui appellent au tawhid. Et ils disent, ils veulent uniquement être privilégiés et avoir le dessus parmi vous. Ils veulent être privilégiés ou ils veulent être meilleurs que vous ou se montrer meilleurs que vous. Le cheikh dit فتحسين القبيح للناس وتقبيح الحسن هو المكر الكبار الذي لا يزال يزاولونه يزاوله دعاة الضلال قديما وحديثا لصرف الناس عن الحق إلى الباطل وإخراجهم من النور إلى الظلمات كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أي أتركهم وكذبهم ولا تلتفت إليهم أتركهم وكذبهم ولا تلتفت إليهم فهذا فيه النهي عن الإصغاء لدعاة الضلال إلا على سبيل معرفة باطلهم لرده. Donc le cheikh explique, il dit que c'est quoi le makr al-kubbar, c'est quoi la grande ruse, le grand complot qu'ils ont fait, leur grand stratagème, c'est de rendre, d'essayer de faire paraître ce qui est laid comme étant quelque chose de beau pour les gens. C'est-à-dire, on prend ce qui est laid et on le fait paraître comme si c'était quelque chose de beau. Et on prend ce qui est beau et on le fait paraître laid. Ok? Ça, c'est le complot, et le stratagème des mouchriquines et des kuffars. Donc, c'est ça. Ils essaient d'embellir le shirk aux hommes et ils essaient de leur enlaidir le tawhid. Et de le faire paraître comme étant quelque chose de laid. Donc ça fait partie de leur ruse. Et ils continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui appellent à l'égarement, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à utiliser ce genre de complot et ce genre de ruse. Que ce soit dans le passé ou à l'époque actuelle, ils continuent toujours avec ce genre de méthode. Les gens qui appellent à l'islam, qui appellent au tawhid, qui appellent à la sunna, on essaie de les salir leur image, on essaie de les faire paraître comme étant des gens qui sont mauvais ou qui appellent à quelque chose de mal. Tandis que les gens qui appellent à l'égarement, qui appellent à la bid'a, qui appellent au shirk, qui appellent au dalal, qui appellent à tout ce qui est contraire à la sharia, on les fait paraître comme étant des gens qui sont pour le bien et qui appellent au bien. Et le but de ça, c'est de faire détourner les gens, de les éloigner de la vérité pour qu'ils tombent dans qu'est-ce qu'il faut, et de les faire sortir de la lumière vers les ténèbres. Et le cheikh, il mentionne des versets qui parlent de ça. comme le verset 257 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah est l'allié de ceux qui croient, qui ont cru. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Et ou le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tandis que ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le Tarout, hein, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, le shaitan et les idoles et les autres. Les autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Ils les font sortir, donc le Tarout les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Donc ceux-là sont les compagnons de l'enfer, ils y demeureront éternellement. Et il mentionne le verset 112 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: c'est ainsi que nous avons fait pour chaque prophète un ennemi parmi les diables hommes et les diables djinns, qui s'inspirent les uns aux autres des paroles enjolivées dans le but de tromper les gens. Hein? Zukhruf al-qawli ghurura. Et il dit, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si ton Seigneur aurait voulu, avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors laisse-les avec ce qu'ils inventent. Ensuite il dit, c'est-à-dire, laisse-les avec leurs mensonges. Et ne te tourne pas vers ce qu'ils racontent comme mensonges. Ne leur donne pas d'importance. Hein? Et il y a donc dans ce verset-là l'interdiction de prêter l'oreille aux gens qui appellent à l'égarement, excepté dans le but, par exemple, de connaître ce qu'ils ont comme fausseté, dans le but de le réfuter. Et ça, bien entendu, c'est pas à la portée de n'importe qui. Ça, c'est bien entendu pour les personnes qui sont fermement ancrées dans la science, parmi les ulama et les tulab al-ilm, qui vont aller lire ou écouter les paroles des gens de l'égarement dans le but de les réfuter. Hein? C'est pas n'importe quel individu qui pense être capable de le faire alors qu'il n'a pas étudié la science auprès des ulama et qu'il n'a pas une base solide dans son manhaj et dans sa aqidah, d'aller écouter les paroles des gens d'égarement ou d'aller lire leurs livres et par la suite, malheureusement, il n'a pas suffisamment de science et donc il n'est pas capable de les réfuter correctement et donc il fait du tort à lui-même parce qu'il fait rentrer des shubuhat dans son cœur et il risque à cause de ça de s'égarer et il fait du tort aux autres également puisque étant donné qu'il a un manque de connaissances, il réfute les arguments des gens de bid'a à moitié et donc il met des doutes dans le cœur des autres à cause de ça. Donc c'est dangereux ces choses-là, il faut faire très attention. Ensuite le cheikh il dit: iqtida'uhum biman la yasluhu lil qudwa. Le fait qu'ils prennent ça c'est le point numéro 77. Al-mas'alatu as-sabi'atu was-sab'un. Ils prennent comme référence, comme guide, comme modèle des gens qui ne sont pas aptes, hein, qui ne sont pas aptes à être des exemples ou à être suivis. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit à ce sujet-là: inna a'immatahum إما عالم فاجر وإما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique, hein, il mentionne par rapport à ce point numéro 77, il dit que leurs imams, leurs guides, leurs chefs, hein, de ces gens-là, les gens de la jahiliya, c'est qui? C'est soit un savant qui est pervers, dans le sens que, comme il va l'expliquer plus tard, il ne pratique pas ce qu'il enseigne, il n'a pas appliqué la science, ou bien que c'est un adorateur ignorant. Hein? Il n'a pas de science, mais il a beaucoup d'adoration, il fait beaucoup d'adoration. Donc, ça c'est les guides, ou c'est les modèles des gens de la jahiliya, c'est ceux-là qu'ils suivent. Et donc, il donne des exemples, il dit. il mentionne les versets 75 à 78 dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là, le sens de ces versets, « Eh bien, espérez-vous, ô vous les musulmans, que des pareils gens, c'est-à-dire al-Yahoud, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, les falsifie avec science, et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons », et une fois seuls entre eux, c'est-à-dire entre eux, c'est-à-dire entre les juifs, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison ?» Et ensuite, le verset 77, « Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue ?» Et le verset 78, « Et il y en a parmi eux des illettrés, qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. » Donc ça, c'est les versets qui sont mentionnés à ce sujet-là. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer les paroles qui sont mentionnées dans cette citation, dans cette portion des paroles du Cheikh qui cite le Coran. Il dit... قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم إما عالم فاجر وهو الذي لا يعمل بعلمه مثل أحبار اليهود وإما عابد جاهل وهو العالم وهو العامل بغير علم مثل رهبان النصارى كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال ويطيعونهم في ذلك وفي سورة البقرة يقول تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه هؤلاء هم العلماء الفجرة يسمعون كلام الله هو التوراة ويسمعونه ويتعلمونه ثم يحرفونه ويغيرون ألفاظه ومعانيه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أي من بعد ما عرفوا لفظه ومعناه الصحيح من أجل أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم كما حصل منهم في قصة الزاني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. Donc le cheikh explique, il dit que donc les modèles que les gens de la Jahiliya suivent parmi les juifs et les chrétiens et les autres, c'est soit qu'ils suivent un savant qui est pervers, c'est-à-dire qu'il n'applique pas sa science, ou bien un adorateur ignorant. Il dit le savant pervers, c'est comme les rabbins des juifs, et l'adorateur ignorant comme l'exemple des moines chrétiens, ceux qui pratiquent des choses sans science. D'accord? Donc, il dit, comme l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat At-Tawbah, le verset 31, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, comme des égaux en dehors d'Allah. Et ils rendent halal ce qui est haram, ils rendent haram ce qui est halal, et ces gens-là les obéissent dans ce genre de choses-là. Comme également c'est mentionné dans Surat al-Baqarah, l'exemple des savants qui sont pervers. Le verset qu'on a lu tout à l'heure de 75 à 78, أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Les versets qu'on a lu tout à l'heure de 75 à 78, espérez-vous que des gens pareils, espérez-vous les musulmans que des gens pareils, c'est-à-dire les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifie sciemment. Donc le cheikh, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit cette parole-là, il dit que ceux-là, il y en a ceux qui sont mentionnés dans ce verset, de qui on parle? Il dit on parle de ces savants qui sont pervers. Ils ont entendu la parole d'Allah, c'est-à-dire la Torah, et ils la connaissent, et ils l'ont apprise. Et puis, par la suite, il la déforme, c'est-à-dire il change c'est il change les mots qui sont mentionnés et il change également les significations de ces mots-là. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, c'est-à-dire comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, après les avoir entendus et après avoir compris la parole d'Allah, il la falsifie avec science, il la falsifie avec connaissance. À cause de leurs passions, à cause de leurs intérêts, à cause de leurs désirs, comme c'est arrivé de la part de ceux d'entre eux qui avaient commis le zina dans l'histoire qui est bien connue à l'époque de Médine. Le cheikh explique donc cette histoire. Donc il dit par exemple كما حصل منهم في قصة الزاني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حينما زنى رجل من اليهود بامرأة من اليهود فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أن التوراة فيها الرجم وهم لا يريدون الرجم وهم لا يريدون الرجم لعله يحكم فيهم يحكم فيهما بحكم أسهل من الرجم فجاءوا إليه يطلبون منه الحكم على هذا الزاني وهذه الزانية فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة على من زنى وفي رواية ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا فيها أننا نسود وجوههم ونركبهم على حمير ونطوف بهم في الأسواق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن سلام لأنه من أحبارهم وقد أسلم قال كذبوا يا رسول الله فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة فلما أحضروها وضع ابن سوريا أصبعه على آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع أصبعك فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح في التوراة فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله وقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وأخفوا حكمه. الشيخ il donne l'exemple ici, il mentionne, il dit c'est exactement ce que les juifs ont fait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lorsque deux d'entre les juifs avaient commis le zina, c'est-à-dire un homme et une femme parmi les juifs ont commis le zina, et ils ont dit allez vers cet homme, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savent que dans la Torah il y a le verdict de la lapidation, et eux ils ne veulent pas appliquer cette peine, ils ne veulent pas la lapidation, ils ne veulent pas se faire lapider. Alors ils ont dit allez vers cet homme, peut-être qu'il va ramener un verdict ou un jugement qui est plus facile, qui est moins sévère ou moins dur par rapport à ce péché-là qu'ils ont commis. Donc en fait, le but, pourquoi ils sont allés vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour essayer de trouver une sortie de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, du châtiment qui est prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans la Torah. Donc ils sont donc allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de juger entre eux. Alors ils sont arrivés, donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme et cette femme qui ont commis le zina, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, quel est le verdict du zina, qu'est-ce que vous retrouvez dans la Torah au sujet de celui qui a commis le zina? C'est-à-dire, dans la Torah, c'est quoi le verdict pour le zina? Et dans une autre narration, qu'est-ce qui est dit dans la Torah au sujet de la lapidation? Donc ça c'est deux narrations, deux versions. Et ils ont répondu et ils ont menti dans leur réponse. Ils ont dit, dans la Torah, c'est écrit que si quelqu'un commet le zina, en fait il a dit, nous, lorsque quelqu'un d'entre nous commet le zina, qu'est-ce qu'on fait? On noircit leur visage, on peint leur visage en noir, puis on les monte sur une mule, ou sur un âne, et puis on les fait passer dans les marchés avec, avec l'âne. Donc, tout le monde les regarde. Puis, c'est comme une sorte d'humiliation, en fait, qu'ils font. Donc, ils disaient que c'est ça pour eux, le, la punition pour celui qui commet l'adultère. Alors, Abdullah ibn Salam, qui était là, lui-même, qui était auparavant, il faisait partie des rabbins, et il s'était converti à l'islam, il est allé voir, donc il était là, et il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abdullah ibn Salam de dire, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent ou non? Donc, il a demandé à Abdullah ibn Salam de confirmer ou de montrer, de dire est-ce que c'est vrai ou faux ce qu'il a dit. Et il a infirmé, si on veut. Donc, étant donné qu'il était rabbin auparavant, puis qu'il s'était converti à l'islam, il a une connaissance de la Torah. Il avait une connaissance de la Torah. Et il sait s'il ment ou non. Alors, c'est ce qui est arrivé. Hein? Il a demandé. Il a demandé à Abdullah ibn Salam à ce sujet-là. Et Abdullah ibn Salam a répondu, il a dit, « Oh, messager d'Allah, ils ont menti. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « Amenez la Torah. Amenez la Torah. » Juste un instant, s'il vous plaît. Oui, donc c'est ça. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, de ramener la Torah. Alors ils l'ont ramené. Et lorsqu'ils l'ont ramené, un d'entre les juifs qui était là, qui s'appelait Ibn Souria, il a placé son doigt sur le verset où il y a la mention de la lapidation, pour pas que on le voie. Alors Abdullah ibn Salam, il a dit, enlève ton doigt de là où tu l'as mis, et le juif a enlevé son doigt, et on a découvert le verset de la lapidation qui était là, qui était clair dans la Torah. Alors à partir de ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors dans ce cas-là, on va appliquer sur eux la lapidation. Et donc, ils ont été lapidés jusqu'à la mort. C'est-à-dire, on leur a lancé les pierres jusqu'à la mort. Hein? Comme c'est rapporté cette histoire dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Donc, c'est un hadith, c'est une histoire qui est authentique, qui est arrivée à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie des exemples de falsification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est pratiquée chez les juifs. Ils déforment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils changent les exemples ou les versets qui sont mentionnés dedans pour que ce soit en accord avec leur passion. Le cheikh il dit ensuite, فَهَذَا مِنْ تَحْرِيفِ عُلَمَائِهِمْ لِكَلَامِ اللَّهِ وَقَدْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ. Ils ont menti à propos d'Allah. وَأَخْفَوْ حُكْمَهُ. Et ils ont essayer de camoufler son verdict. وَمِنْ تَحْرِيفِهِمْ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَأَنْ يَقُولُوا حِطَّةً. يعني حط عنا خطايانا. فأبدلوا حطة بكلمة حنطة بالنون. فزادوا في كلام الله ما ليس منه. Donc il dit, parmi les exemples également de la falsification qu'ils ont fait aussi, c'est-à-dire les juifs, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé ou leur a ordonné de rentrer par la porte en prosternation et de dire hitta, c'est-à-dire pardonne-nous de nos péchés, enlève-nous nos péchés, ils ont changé le mot hitta par un autre mot. Au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta, ils ont rajouté un noun. Alors, ils ont rajouté dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui n'en faisait pas partie. Ils sont rentrés. Premièrement, au lieu de rentrer prosternés, ils sont rentrés sur leur derrière. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Et hinta, c'est une graine. Donc, ils ont tourné l'affaire au ridicule. Ils ont fait une blague avec. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on trouve que parmi les juifs, il y en a beaucoup qui font, qui sont des comédiens. Ils aiment ça faire des blagues, ils aiment ça ridiculiser toute chose. Et bien c'est des exemples de ça. La même chose quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de sacrifier, quand Moussa leur a ordonné de sacrifier une vache, Ils disent, قالوا أتتخذنا هزوا. Au lieu de dire, bon, on va le faire comme Moïse nous l'a ordonné de le faire, qu'est-ce qu'ils ont dit à la place? Ils disent, est-ce que tu veux te moquer de nous? C'est ça ce qu'ils ont répondu à Moussa alayhi salam. C'est ce qu'ils appellent l'humour juif. Donc le cheikh il dit, والتحريف هو الزيادة في كتاب الله أو النقص في كتاب الله أو تفسير كتاب الله بغير معناه. هذا هو التحريف، لأن التحريف إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في المعنى. وعلى هذا النمط كل من يحاول تفسير القرآن أو الأحاديث بغير معناه الصحيح من أجل نصرة مذهبه أو اتباع شهوته أو حصول مطمعه. وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية، وهذا هو النفاق. والنفاق وتحريف النصوص طريقة اليهود. Donc le cheikh il dit donc que التحريف، qu'est-ce que ça signifie؟ C'est de rajouter dans le livre d'Allah, de rajouter quelque chose au livre d'Allah, ou bien d'enlever quelque chose au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tahrif c'est quoi? La falsification, la déformation. Ça se fait de quelle façon? Ça se fait soit en ajoutant dans le livre d'Allah, ou bien en enlevant quelque chose de la parole d'Allah ou du livre d'Allah, ou bien d'interpréter le Coran par autre que sa signification réelle. Donc ça c'est le tahrif. Parce que le tahrif peut être soit dans les mots du Coran eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on change les mots qui sont mentionnés, ou bien ça peut être le fait de changer la signification. Donc on voit ça de la part de ceux par exemple qui essaient d'interpréter le Coran ou d'interpréter les hadiths selon une signification qui est contraire à la signification correcte, dans le but de défendre ou mentionner, comme par exemple il veut prouver que sa position c'est la bonne, il veut défendre sa position à tout prix, alors il déforme le sens des versets de Coran ou des hadiths pour essayer de défendre sa position, ou bien pour suivre sa passion et ses désirs, ou bien d'arriver à son but ou à ce qu'il recherche. Donc ça c'est des exemples de falsification et des exemples de causes ou de raisons, d'objectifs qui sont recherchés de la part de ceux qui agissent de cette manière, c'est-à-dire qui déforment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh dit wa qala ta'ala wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna al-aya. Donc lorsque ils rencontrent ceux qui ont cru, ils rencontrent les musulmans, ils disent nous croyons. Et ça c'est l'hypocrisie. Et donc l'hypocrisie, an-nifaq, et la déformation des textes de la révélation, ça fait partie des méthodes des juifs, al-yahoud. Donc ceux qui aujourd'hui parmi les musulmans font la même chose que les juifs, ils rentrent dans ce verset-là, il rentre dans ces versets-là aussi. Et donc, il ressemble aux gens de la Jahiliya dans ce sens-là. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des juifs dans le Coran, il ne faut pas penser qu'il parle uniquement des gens qui vivaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne faut pas penser non plus qu'il parle uniquement des gens qui se disent être des juifs. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de toutes les personnes qui rentrent dans les caractéristiques que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées au sujet des juifs, peu importe qu'ils soient juifs ou non. Dans le sens que si quelqu'un parmi les musulmans, parmi les gens qui se disent musulmans, ont les mêmes caractéristiques que celles qui sont mentionnées dans les versets au sujet des juifs, alors ils font partie de ceux-là, et la critique qui est donnée aux juifs s'applique à eux également. C'est pas uniquement ceux qui se disent juifs, qui vont dire nous on est des juifs. Ça c'est pas seulement sur eux que ça s'applique. Le cheikh il dit ensuite: ثم قال بعدها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. هؤلاء هم العباد الجهال يقرؤون التوراة ولكن لا يعرفون معناها فيتخذهم هؤلاء أئمة يتخذهم هؤلاء أئمة لهم وهم جهال فلا يجوز الاقتداء إلا بعالم عامل وهؤلاء هم الربانيون وكذلك العباد الجهال لا يقتدى بهم وإن كان عندهم زهد وعبادة ولكنهم على غير طريق ولكنهم على غير طريق صحيح وغير هد وغير هدى من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique, il dit à la fin et il dit ensuite, donc après avoir mentionné ça dans les versets qu'on a lus de 75 à 78 dans sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite, et parmi eux il y en a des illettrés qui ne savent pas le, qui ne connaissent pas le livre ils ne savent pas le livre illa amaniya illa amaniya, ici ils disent hormis des prétentions. Il y en a d'autres ulama qui ont expliqué que amaniya, ça, ils savent juste la récitation ou la lecture, c'est-à-dire comment réciter les paroles, mais ils ne connaissent pas leur signification. وإنهم إلا يظنون, ils ne font que conjecturer. وهؤلاء هم العباد الجهال, ceux-là ce sont les adorateurs ignorants qui lisent la Torah mais qui ne connaissent pas sa signification. Et les gens prennent ces gens-là pour des modèles ou des guides, alors que ce sont des ignorants. Et il n'est pas permis de prendre pour guide des ignorants. On prend pour guide des savants, les ulama qui appliquent leur science, mais on ne prend pas pour guide des ignorants ou des gens qui ont de la science mais qui n'appliquent pas leur science. Donc on prend uniquement pour guide ceux qui sont rabbaniyoun, ceux qui ont de la science et qui l'appliquent et qui enseignent cette science. Donc le cheikh il dit de même que les adorateurs ignorants, on ne doit pas les prendre comme exemple ou comme guide. Parce que ces gens-là, même s'ils adorent Allah, ou ils font beaucoup d'adoration, ou bien ils font beaucoup d'actes de piété, ils s'écartent des choses de la dunya, des choses comme ça, c'est-à-dire ils ne donnent pas beaucoup d'importance à la dunya, etc. Mais étant donné qu'ils ne sont pas sur une bonne voie, ils ne sont pas sur une guidance qui vient d'Allah, ils ne peuvent pas être pris comme étant des exemples ou des modèles. Ensuite, on passe à un autre point, c'est le point numéro 78. Al-mas'alatu thamina wa sab'un. تناقضهم في محبة الله. Le fait que les gens de la jahiliya, ils sont dans la contradiction au sujet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il explique que ces gens-là, ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ont abandonné sa loi et sa législation. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire plutôt Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés ou les a interpellés dans sa parole, dans son Coran, dans le verset 31 dans sourate Ali Imran, en disant, dis au Muhammad à ces gens, si réellement vous dites que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc ça c'est le test pour ces gens-là, pour leur montrer qu'ils n'aiment pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il explique. Il dit min dalal al-yahud wa man shabahahum da'wahum mahabbat Allah ma'a annahum yukhalifuna amrahum subhanahu wa ta'ala. وعلامة محبة الله اتباع أمره قال الشاعر إن المحب لمن أحب مطيع وإن المحب لمن يحب مطيع. Le cheikh il dit que parmi les garments des juifs et ceux qui leur ressemblent parmi les gens de la jahiliya, il y a que ils prétendent aimer Allah alors qu'ils font le contraire de ce que Allah leur ordonne de faire. Et le cheikh il dit qu'il y a un signe pour savoir que quelqu'un aime réellement Allah. Et le signe de cet amour, c'est le fait qu'il suit son commandement. Comme le poète qui dit « Inna al-muhibba liman ahabba muti'u » Hein? Ça, c'est une partie d'un poème ou d'un vers, d'une poésie. Ça dit « Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibba muti'u » C'est-à-dire « Si ton amour était sincère ou véridique, tu lui aurais obéi parce que celui qui aime est obéissant envers celui qu'il aime. Donc, si tu aimes quelque chose, quelqu'un, tu vas lui obéir. Et donc, si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans ce verset. Il dit, وَهَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُولُونَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ ومع هذا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى فدل ذلك على كذبهم في دعواهم حيث طلبهم الله بإقامة الدليل على ما يدعونه من محبته ذلك باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ذلك باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلما لم يفعلوا ظهر كذبهم وكذلك الصوفية يبنون دينهم على أنهم يحبون الله عز وجل ويقولون العبادة هي المحبة فنحن لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه مع أنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى فلا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يتبعون مشايخهم وأصحاب الطرق التي يبايعونهم عليها على السمع والطاعة لهم وأنهم لا يخالفون لهم أمرا مهما أمروا حتى إنهم يقولون إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله ما له اختيار ولا له غير ما اختاره شيخه فأين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كاذبون في هذه الدعوة لشيخ الزكر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit à ce sujet-là, comme hein, on l'a mentionné, qu'ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, « Dis au Muhammad, à ces gens-là, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah va vous aimer. » Donc les Juifs et les chrétiens, eux, ils prétendent, comme Allah le mentionne dans le verset 18, dans Surat Al-Ma'ida, nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. « Nahnu abna'ullah » nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés alors qu'ils contredisent la législation et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la preuve qu'ils mentent dans leurs prétentions du fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé d'établir la preuve à propos de ce qu'ils prétendent comme amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est-à-dire qu'il leur ordonne de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils n'ont pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on a eu la preuve claire de leur mensonge. De même que les soufis, ceux qui se disent aujourd'hui parmi les soufis, prétendent être des soufistes, ils ont établi leur religion sur l'idée ou sur le plan que, sur le fait de prétendre qu'ils aiment Allah. Ils disent que l'adoration, c'est l'amour. Et ils disent, nous on n'adore pas Allah par crainte de son enfer ou par espoir en son paradis. Nous, on fait uniquement l'adorer parce qu'on l'aime lui. Hein? Et donc, ils ont contredit la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils ne suivent pas l'exemple du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne tous les messagers, hein? Il mentionne tous les messagers et on voit dans leurs paroles, dans les invocations des prophètes et des messagers, ils disent toujours qu'ils invoquaient Allah par crainte et par espoir, par crainte de son paradis et par crainte de son enfer et par espoir pour son paradis, par crainte de l'enfer et par espoir de son paradis et par amour également. Donc ces trois choses là ensemble, tandis que les soufis, ils disent non, nous on adore ni par la crainte ni par l'espoir, uniquement par l'amour seulement par amour pour Allah lui-même. Et ils essaient de comparer celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala par crainte pour son enfer et par amour pour son paradis, aux commerçants. Hein? Des fois, ils font cette comparaison-là. Ils disent, ah, vous adorez Allah comme les commerçants, hein, pour avoir un intérêt, un profit, quelque chose en retour. Hein? Et en disant ça, en réalité, ils sont en train de rabaisser ou de critiquer les prophètes d'Allah, les messagers d'Allah, qui adoraient Allah par crainte et par espoir. Hein? Donc ça, c'est pour ça que beaucoup d'entre les soufias, quand ils parlent de leur awliya et de leur saint ou de leur shuyur, ils prétendent qu'ils sont plus hauts que les prophètes, qu'ils sont plus élevés que les prophètes en degré. Hein? Donc ça, c'est des exemples de leurs égarements. Ensuite, il dit donc, le cheikh il dit que donc ils n'ont pas suivi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne font que suivre leur shuyur. Hein? Il dit que les gens qui sont dans ces turuq, dans ces sectes, dans ces soi-disant confréries, hein, sur lesquelles ils ont donné une allégeance, un serment d'allégeance, hein, au cheikh, ils ont donné un serment d'allégeance ou une bay'a, pour dire qu'ils allaient écouter et obéir à ce cheikh et qu'ils n'allaient contredire aucun de ses commandements, peu importe qu'est-ce qu'on leur demande de faire, même si c'est haram, ils vont obéir. Ils vont même jusqu'à dire que le mourid, c'est-à-dire l'initié dans la tariqa, lorsqu'il rentre avec son cheikh, il doit faire comme le mort devant celui qui lave son corps. Hein? Quand quelqu'un meurt, hein, la sunna c'est qu'on lave son corps. Et la personne qui est morte, elle n'a pas de volonté, hein, elle n'a pas de volonté ou de choix, bien entendu. Elle n'est pas vivante, donc elle n'a pas de choix ou de volonté. Et donc, ils disent, tu dois être la même façon avec ton cheikh. Hein, l'initié, le jeune initié, lorsqu'il rentre dans la tariqa, il lui dit, tu dois être comme ça, toi. Tout ce que ton cheikh te dit, ou tout ce qu'il te demande, tu le fais. T'as pas de volonté, t'as pas de choix. Et donc, où est-ce qu'elle est l'ordre de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Ça, c'est la preuve que ce sont des menteurs, que ce sont des gens qui disent qu'ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent aimer Allah, mais ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui mentent, puisqu'ils contredisent l'ordre d'Allah et l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا تحدى الله جل وعلا هؤلاء المدعين لمحبته في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد فيه هذه الصفة فمن وجدت فيه وجدت فيه هذه الصفة فإنه صادق في دعواه المحبة ومن فقد هذه الصفة أو فقد هذه الصفة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه فقد ذكر سبحانه دليل المحبة وثمرتها وثمرتها فدليلها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وثمرتها نيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه وكذلك هذا يطرد في كل من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه كما يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتبون في الصحف والمجلات علموا أولادكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون البدع ويحدثون الموالد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع فهم يدعون محبته ويخالفونه في إحداث البدع والخرافات. Le cheikh il dit que c'est pour cette raison là que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au défi. Tous ceux qui prétendent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a mis au défi par le verset 31 dans surat Al-Imran. Hein, Allah dit, dit au Muhammad, à tous ces gens, si vous prétendez, hein, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et Allah va vous aimer. Donc la preuve, le signe que on aime réellement Allah, c'est qu'on suive le messager, on suit son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui dans la personne à laquelle on trouve cette caractéristique, hein, alors là on peut savoir qu'il est sincère, il est véridique dans ce qu'il prétend, lorsqu'il prétend aimer. Tandis que celui dans lequel on ne trouve pas cette caractéristique, c'est-à-dire le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors là on a la preuve qu'il ment dans sa prétention. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne donc la preuve de cet amour, la preuve de l'amour d'Allah et le fruit de l'amour d'Allah. Donc la preuve, c'est qu'on suive, on est en train de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la preuve. Et le fruit de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'est-ce qui en découle de cet amour, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur par la suite. Il lui pardonne ses péchés. Et donc, toute personne donc qui prétend aimer le messager, qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne suit pas, ou bien qui prétend il dit, toute personne qui prétend aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne suit pas le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est exclu de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un par exemple qui prétend aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite qui écrit dans les magazines, dans les journaux, enseignez à vos enfants l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils commettent toutes sortes de bid'ah et d'innovations, et qu'ils font des célébrations et des fêtes, hein, comme ils célèbrent le Maulid Nabawi ou d'autres exemples de fêtes de ce genre, alors que ce sont des innovations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et ils prétendent malgré tout aimer le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils le contredisent en faisant des innovations et en inventant des choses dans la religion d'Allah. Donc ça, c'est la preuve qu'ils n'aiment pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils n'aiment pas réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le point numéro 79, i'timaduhum ala al-amani al-kadhiba. I'timaduhum ala al-amani al-kadhiba. Le fait qu'ils se basent sur des faux espoirs, des espoirs mensongers qu'ils ont inventés eux-mêmes. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne cet exemple. Il dit tamannihim al-amani al-kadhiba ka qawlihim lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda wa qawlihim lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Donc ça, c'est les exemples de faux espoirs qu'ils ont, comme par exemple le verset 80 dans sourate al-Baqarah, lorsqu'ils disent le feu de l'enfer ne nous touchera pas excepté quelques jours, ou bien lorsqu'ils disent dans sourate al-Baqarah le verset 111, personne n'entrera au paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Ça fait partie des faux espoirs qu'ils ont. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés à ce sujet-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit al-yahoud wa an-nasara ya'tamiduna 'ala al-amani al-kadhiba wa yatamannuna 'ala Allah al-amani. Comme ذكر الله عنهم انهم قالوا لن تمسنا النار لن تمسنا النار الا ايام معدوده هي ايام عبادتهم للعجل بزعمهم فرد الله عليهم بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فهذا رد على قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كما رد عليهم في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Donc le cheikh explique, il dit que les juifs et les chrétiens, ils se basent sur les faux espoirs, les fausses prétentions, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet dans Surat al-Baqarah, le verset 80, quand ils disent que le feu ne nous touchera que quelques jours. Hein, et ils prétendent que ce sont les jours dans lesquels ils ont adoré le veau d'or. Donc ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala va uniquement les punir quelques jours, c'est-à-dire le nombre de jours qu'ils ont adoré le veau d'or. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans les versets 80 et 81 dans Surat al-Baqarah, justement à la suite de ces versets-là. Ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Donc ça c'est les versets 81 et 82. Donc ça c'est la réfutation de leurs paroles lorsqu'ils ont prétendu que le feu va seulement les toucher quelques jours seulement. Hein, quelques jours calculés. Et également, il y a la réfutation de leurs paroles dans Surat Al-Imran, les versets 23 à 25 dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala les réfute encore là, dans ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du livre et qui sont maintenant invités au livre d'Allah, c'est-à-dire au Coran, pour trancher leurs différends. Comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive. C'est parce qu'ils disent le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés. Et leurs mensonges les trompent en religion. Hein? Et ensuite le verset 25. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute et chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Donc ça c'est un exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne également les versets 123 à 124 dans Surat An-Nisa. 123 à 124 dans Surat An-Nisa où il les réfute aussi encore une fois à ce sujet-là. Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, ni allié ni secoureur. Quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice. Fût-ce d'un creux de noyau de date. Donc ça c'est les réfutations que Allah a mentionnées par rapport à ceux d'entre eux qui prétendaient justement qu'ils n'allaient pas être punis ou qu'ils n'allaient pas être en enfer parmi ces gens-là, pour leur expliquer que ça c'est des fausses idées hein, qu'ils avaient. Et ensuite le point numéro 80. Le cheikh il mentionne le point numéro 80. Ghuluhum fil ashkhas. Le fait qu'ils exagèrent au sujet des individus et des êtres humains. Ils exagèrent jusqu'à faire d'eux des objets d'adoration qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il mentionne le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ittikhazuhum qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ils prennent les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux d'adoration, des lieux de culte, des mosquées, des églises, des endroits où ils vont prier, où ils vont adorer. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan explique ça. Il dit, مما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا كان ولا زال عند اليهود والنصارى وعند مشرك العرب وعند المتسبين إلى الإسلام ممن يعبدون القبور والأضرحة. وأهل الكتاب هم أول من عمل ذلك. قال سبحانه وتعالى, قال صلى الله عليه وسلم, إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, يعني مصليات يصلون عندها, لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها. وإن كان المصلي يصلي لله, ولكن إذا صلى عند قبر فإن هذا وسيلة إلى عبادته, فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به كما يقال الآن عند الأضرحة؟ هذا من دين الجاهلية, من يهود ونصارى وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم, لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنائس وما فيها من تصوير, لأن أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى, فرأتا في بلاد الحبشة الكنائس المزخرفة بها الصور, فذكرتا ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله. الشيخ يلتي parmi les exemples de ce que font les gens de la jahiliya parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, de même que les autres parmi les mushrikines, c'est qu'ils prennent les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux de culte. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours présent encore aujourd'hui chez les juifs et les chrétiens et chez les arabes mushrikines, les arabes qui commettent le shirk, et même parmi ceux qui prétendent être musulmans et qui adorent les tombes et qui adorent les tombeaux. Et donc le cheikh il dit, les gens du livre sont les premiers qui ont fait ce genre de pratique, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes ceux qui étaient là avant vous prenaient leurs tombeaux comme des lieux de culte ou des lieux d'adoration, alors ne prenez pas les tombeaux pour lieux de culte ou pour lieux d'adoration, c'est-à-dire des endroits où vous allez faire vos prières, faire vos salawat, faire vos invocations, pour aller faire vos adorations à ces endroits-là. Parce que le fait d'aller à ces endroits-là pour prier, ça c'est un moyen, ou c'est quelque chose qui va, c'est une cause ou un moyen qui va faire que vous allez tomber dans l'adoration de ces tombes-là. Parce que quelqu'un peut aller dans ces endroits-là, non pas pour adorer les tombes, mais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il choisit ces lieux-là, et ces endroits-là où il y a des tombes, pour aller prier, pour aller adorer Allah. Pas pour adorer les tombes, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, à la longue, avec le temps, qu'est-ce qui arrive? Il commence à détourner l'adoration qu'il donne à Allah et il commence à l'offrir à la tombe elle-même ou à ceux qui sont enterrés dans cette tombe. Et donc, il tombe dans le shirk. Donc, à l'origine ou à la base, l'idée ou l'intention, c'était pas d'adorer les morts, d'adorer les tombes, mais c'était l'idée d'adorer Allah seul, mais de choisir cet endroit-là ou ce lieu-là en particulier pour faire votre adoration. Et avec le temps, le shaitan les a détournés de l'adoration d'Allah et a fait en sorte qu'ils tombent dans le shirk et qu'ils commencent à adorer ceux qui sont dans cette tombe-là. Donc le shirk, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Il dit, ne prenez pas ces endroits-là comme lieu d'adoration. Parce que le fait de faire vos prières à ces endroits-là, c'est quelque chose qui peut être un moyen qui va vous amener à les adorer elles-mêmes, c'est-à-dire adorer les tombes elles-mêmes. Donc, si la personne qui fait sa prière, elle fait sa prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, mais elle fait sa prière là où il y a la tombe. Le cheikh dit ça, c'est quelque chose qui peut t'amener à adorer cette tombe à la fin. Alors que dire de ceux aujourd'hui qui invoquent directement la tombe et demandent à ceux qui sont enterrés dans cette tombe de leur donner la force, de leur venir en secours lorsqu'ils ont un malheur. Ils crient leur nom, ils invoquent leur nom en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Comme c'est le cas de ceux qui vont auprès des tombes aujourd'hui parmi les gens qui se disent musulmans et qui vont invoquer ces soi-disant saints ou ces soi-disant tombeaux. Le cheikh Al-Fawzan dit ça fait partie de la religion de la jahiliya, de l'ignorance, parmi les juifs et les chrétiens et les autres. Et lorsque Salama et Habiba, hein, radiyallahu anhuma, elles sont allées en Éthiopie, parce qu'elles avaient fait la première hijra, donc elles sont allées en Éthiopie, elles ont informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'elles ont vu avec leurs propres yeux en Éthiopie lorsqu'elles étaient là-bas. C'est-à-dire que lorsqu'elles étaient là-bas pendant leur hijra, avec leur mari, elles ont vu dans les églises des chrétiens là-bas des statues et des images, hein, dans les églises. Les églises sont embellies, sont décorées par des images et des statues et des décorations de ce genre. Comme on retrouve aujourd'hui dans les églises des orthodoxes, des protestants et des catholiques. Hein. Les catholiques, on trouve des croix, des statues, des images, hein, des décorations, des icônes. Hein. Tout ça, ils les adorent en dehors d'Allah. Ce sont des statues, soit de Jésus, des représentations qu'ils prétendent que ce sont des images de Jésus, ou bien de Mariam, ou bien d'autres personnages de la religion chrétienne. Ils les mettent et ils font leur statue, et puis ils se mettent à genoux devant, ou ils se prosternent devant, ou bien ils se mettent à invoquer ou à prier devant ces images. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est du shirk. Chez les orthodoxes, c'est la même chose. Et même encore pire, parce qu'ils en font encore plus d'images, encore plus de dessins et d'images. Donc, les chrétiens de l'Éthiopie sont de cette catégorie-là, des orthodoxes. Hein? De la même manière que certains aussi, parmi les orthodoxes qui sont par exemple, en Russie et en Grèce et dans d'autres régions aussi, dans le Moyen-Orient, des choses comme ça, hein, c'est ce qu'ils suivent, la même chose. Hein? Certains d'entre eux aussi sont catholiques, maronites ou autres. Donc c'est la même chose. Les images, les icônes, les croix, les statues, hein, les tombes, tout ça, c'est ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour eux, ça, c'est pas de l'idolâtrie, c'est pas du shirk, c'est pas grave de le faire. Du moment qu'ils reconnaissent que Allah est le créateur, hein, et ils croient en la Trinité, tout ça, pour eux, c'est pas du shirk. Hein, tout ça, c'est pour eux, c'est pas de l'idolâtrie pour eux. Hein, l'idolâtrie, c'est d'adorer des idoles, d'autres idoles. Mais quand c'est des idoles chrétiennes, c'est correct. Mais si c'est des idoles d'autres que chrétiennes, c'est pas grave. Si c'est des idoles autres que chrétiennes, là, c'est de l'idolâtrie. Mais si c'est des idoles chrétiennes, là, c'est, pour eux, c'est correct. Ça dit ça. Et les protestants, c'est la même chose. Ils prient Jésus, hein, en dehors d'Allah. Ils invoquent Jésus en dehors d'Allah. Et ils prennent Jésus comme un intercesseur, un intermédiaire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils font des dessins de la croix et des représentations de la croix. Et ils croient en la Trinité. Donc même s'ils prétendent faire la réfutation ou la critique des catholiques, hein, et ils prétendent que les catholiques tombent dans l'idolâtrie en adorant Marie ou en faisant des images, des choses de ce genre, eux, ils font la même chose, mais avec Isa, alayhi salam. Ils disent, nous, on prend juste Isa comme idole. On ne prend pas les autres saints ou les autres personnages. Juste Isa, alayhi salam. Et ça suffit comme shirk. Hein? Ce n'est pas obligatoire que quelqu'un prenne une centaine d'idoles pour que ce soit un mushrik. Un seul idole, ça suffit. Un seul être humain, ça suffit. Si tu l'adores en dehors d'Allah, c'est shirk. Et comme j'écoutais hier Cheikh Ibrahim al-Ruhili dans un charh qu'il a fait de Al-Usul al-Thalatha, qui est un charh, masha'Allah, Il est merveilleux son charh, comment il a bien expliqué à l'usul al-salata, franchement. Et il expliquait, il disait, il y a des gens qui pensent que pour que quelqu'un tombe dans le shirk, il faut qu'il ait accumulé ou réuni une grande quantité de formes de shirk ensemble. Le shirk, il dit non, c'est pas nécessaire. Quelqu'un peut tomber dans le shirk juste s'il commet une forme de shirk, dans le sens qu'il adore une personne en dehors d'Allah ou une chose en dehors d'Allah, peu importe qu'est-ce que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un être humain, ou que ce soit, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est juste l'idole. Une statue en forme d'animal ou en forme d'être humain, ça c'est shirk. Mais si tu adores autre chose, un prophète ou un ange, ça c'est pas du shirk. Hein? Ça aussi ça rentre dans le shirk. Hein? Ou un saint, ça aussi ça rentre dans le shirk. Il y en a qui pensent non, c'est juste si tu adores Bouddha ou Krishna ou Vishnu ou Rama ou Lingam ou je sais pas quel autre encore parmi les hein, Ganesh ou les autres idoles hindous là, ça c'est de l'idolâtrie. Mais si tu adores les statues des prophètes, des images des saints ou des tombes, ça c'est pas du shirk. Non, ça aussi c'est du shirk. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Hein? Même si tu te dis musulman, tu adores la tombe d'un saint, tu dis non, ça c'est pas du shirk parce que c'est un saint musulman. Ah, parce que c'est un saint musulman, c'est pas shirk. Mais si c'est un saint chrétien, c'est du shirk. Ou si c'est un saint juif, c'est du shirk. Mais si c'est un saint musulman, c'est pas du shirk. Il n'y a pas de différence. Tout ça, c'est du shirk. Que ce soit quelqu'un qui se dise saint, tu l'adores, tu l'invoques en dehors d'Allah, il se dit musulman, tu l'invoques en dehors d'Allah, c'est du shirk. Tu invoques le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk. Tu invoques le prophète Isa, c'est du shirk. Tu invoques le prophète Moussa, c'est du shirk. Tu invoques le prophète Ibrahim, c'est du shirk. Peu importe quel d'entre eux tu invoques en dehors d'Allah, c'est du shirk. Il n'y a pas une catégorie entre les catégories ou un individu entre eux que tu peux dire que si tu l'invoques en dehors d'Allah, c'est pas du shirk. Tout ça, ça rentre dans le shirk. Hein? Et donc, ça c'est très important de le comprendre. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont décrit? Qu'est-ce qu'elles ont décrit ces deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elles ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont décrit au messager sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'elles ont vu en Éthiopie, dans ces églises, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu hein, en disant, ces gens-là, lorsque parmi eux un homme pieux ou un serviteur pieux meurt, ils construisent sur sa tombe ce genre de statue. Hein, il construit un lieu de culte, une église sur sa tombe, hein, ou une mausolée sur sa tombe, et il dessine ou il font ces genres d'images ou ces genres de statues dans ces endroits-là. Et ensuite, il a terminé en disant Oulaika shirarul khalq indallah. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim, un hadith de la plus haute authenticité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin, ceux-là sont les pires créatures, les créatures les plus laides, les plus sales, les plus mauvaises, les plus égarées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Shirar. Shirar, ça veut dire les plus mauvaises. Ce sont ces créatures-là. Celles qui font ça. Celles qui font ces choses-là. Qui prennent les tombes comme des lieux d'adoration, qui font ces images, ces statues, ces choses-là. Ça, c'est les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Bayyinah, hein, Oulaika hum sharrul bariyah. Ce sont les pires créatures de la création. Les pires de la création, ce sont ceux-là. Ceux qui font le shirk. Il n'y a pas pire que eux. Hein? Donc aujourd'hui, il y en a qui dénigrent ça, qui parlent, ils veulent dire, non, il ne faut pas parler du shirk. Hein? Vous parlez toujours du shirk. Vous parlez des gens qui adorent les tombes. Pourquoi vous parlez toujours de ça? Hein? Subhanallah, même cette semaine, il y a un frère qui a posté ça justement, un audio de Mohamed Hassan. Mohamed Hassan, l'Égyptien, qui passe à la télévision hein, avec son groupe, hein, Abu Ishaq al-Houaini et les autres. Et là, Mohamed Hassan, dans cet audio-là qu'il était en train de parler, il dit, il y a des gens, ils parlent toujours de shirk, ils parlent toujours des gens qui adorent les tombes. Pourquoi vous parlez toujours de ces choses-là? Il ne faut pas parler de ces choses-là. Les gens ne connaissent même pas ces choses-là. Donc il ne faut pas leur parler de ça. Ils commencent à dénigrer de l'importance d'avertir contre le shirk. Et comme un des frères a mis le commentaire justement à ce sujet-là, hein, lorsqu'il a dit cette parole, il dit, mais comment quelqu'un, surtout qui est égyptien, qui vit en Égypte, comment quelqu'un comme lui peut prétendre qu'on ne connaît pas l'adoration des tombes, ou que les gens ne connaissent pas le shirk que les gens font avec les tombes, alors que dans son pays, chaque année, il y a environ 5 millions de personnes qui vont là-bas juste pour faire le pèlerinage aux tombes et pour invoquer les tombes en dehors d'Allah et pour les adorer en dehors d'Allah. Comment quelqu'un peut dire ça, ça ne fait pas partie de la réalité de ce que les gens connaissent? Peut-être qu'un jeune à la ville, qui est éduqué un peu à la façon moderne, il est loin de la pratique de ce que ces gens-là font. Peut-être que lui, c'est vrai, peut-être qu'il ne connaît pas ces formes de pratique ou ces genres d'adoration. Comme la même chose dans d'autres pays musulmans, au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou ailleurs. Il y a certains parmi les musulmans, maintenant, ils sont devenus tellement occidentalisés. Tout ce qui a rapport avec la religion, ils considèrent comme étant quelque chose de retardé, de quelque chose de rétrograde ou chose de ce genre. Donc, ils considèrent tout ça comme étant des superstitions, non seulement l'adoration des idoles et des tombes, mais également, même parfois, la pratique de la religion qui est en accord avec le Coran et la Sunna, ils la négligent. Donc, pour ces gens-là, peut-être qu'eux, ils ne connaissent pas ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dénigrer le fait d'avertir contre le shirk, parce que ça, c'est très dangereux, justement, pour ces gens-là. Parce que si un jour ils reviennent à l'islam, et si un jour ils reviennent à la religion, ils commencent à pratiquer l'islam, souvent ils vont revenir à une mauvaise compréhension de l'islam, puisqu'ils vont retourner à ce qui est présent autour d'eux, parmi ceux qui prétendent pratiquer l'islam. Et si parmi leur famille, les membres de leur famille, il y en a qui ont ces croyances de shirk, ou ces croyances de superstition, ou l'adoration des tombes et des morts, et des turq soufis, des choses de ce genre, eh bien ils vont tomber là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre en garde contre ce genre de choses. La même chose en Europe maintenant et en Occident, en Amérique. La majorité des gens qui se disent aujourd'hui laïcs, qui se disent athées, lorsqu'ils commencent à réfléchir sur la réalité de la vie et sur la réalité de l'existence, et qu'ils commencent à chercher des réponses à leurs questions et commencent à se pencher vers à se pencher vers la religion et la spiritualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à ce qu'ils ont connu auparavant. C'est-à-dire, si ces gens-là, ils étaient chrétiens auparavant, ils sont devenus laïcs ou athées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir au christianisme, à l'église catholique ou à des choses de ce genre. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'ils connaissaient auparavant. Et donc, ils reviennent au shirk. Ils étaient dans un kouf, et dans un shirk, ils retournent à une autre forme de kouf et une autre forme de shirk. Donc, ils passent d'un shirk à un autre shirk, et d'un kouf à un autre kouf. Donc, il faut les mettre en garde contre le shirk qui existe dans ces fausses croyances et dans ces fausses religions, pour que lorsqu'un jour ils se réveillent, ils sachent qu'il y a des faussetés dans ces croyances-là et dans ces religions-là qui sont pratiquées dans leur pays ou qui sont pratiquées ailleurs, et justement, ils sont préservés, ils sont protégés contre ce genre d'égarement-là. Et en même temps, on met en garde ceux qui le pratiquent déjà, ceux qui vont déjà adorer ces tombes et ces morts. Et en Europe, la même chose, subhanallah. Quand j'étais en Europe, pendant tout l'été, pendant les vacances, de quoi ils parlaient dans les reportages qu'ils faisaient à la télé? Ils parlaient des pèlerinages que des gens font aux tombes et aux saints, et qu'ils vont à différentes régions de la France justement pour adorer ces tombes et ces saints-là. Et les juifs, c'est la même chose. Les juifs, ils ont leurs saints soit que ce soit en Palestine, soit que ce soit au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs, ils ont leurs saints enterrés, là ils vont les adorer en dehors d'Allah, la même chose. Donc tout ça, ça fait partie de la religion des mouchriquines. Chez les Kabyles, la même chose en Algérie, ou les Chleurs au Maroc, la même chose dans les montagnes, ils vont là-bas adorer leur Aulia, qu'ils adorent en dehors d'Allah. Tout ça, c'est des formes de shirk qu'ils pratiquent. Et l'islam, il est venu à la base pour combattre ce genre de pratique-là. Et il y en a aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils détestent la da'wah du tawhid, parce que la da'wah du tawhid, il vient pour réfuter leurs mensonges et leurs égarements au sujet de ces fausses pratiques-là. Donc, pour terminer, qu'est-ce que le cheikh il dit justement dans ce point? Il dit « فَمِنْ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ اتِّخَاذُ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ » يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهؤلاء لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون بل لا يعترفون أن هذا خاص بالله وإنما اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله شفعاء وشفعاء وصرفوا لهم أنواعا من العبادات من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى فهذا دين الجاهلية وعليه عباد القبور اليوم وعليه عباد القبور اليوم نسأل الله العافية والسلامة ومن الغلو في القبور وأصحابها البناء عليها وإسراجها ووضع الستائر عليها والكتابة عليها وتجسيسها وغير ذلك من مظاهر الغلو ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Donc les cheikhs expliquent. Parmi les exemples de la religion déjà de la jahiliya, c'est qu'ils prennent les saints et les hommes pieux comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et ils prétendent qu'ils peuvent nous rapprocher plus d'Allah. Et qu'ils sont des intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Comme ils le disent, comme les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le disaient. Et Allah, il mentionne dans le verset 18 dans surat Yunus, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et également dans surat Az-Zumar, le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont pris des alliés, des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés, des idoles, des égaux qu'ils adorent. Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Hein? C'est-à-dire, on les prend pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. On les adore pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ceux-là, le cheikh dit ceux-là, ils ne croient pas que ce sont eux qui, que ce sont ces idoles ou ces êtres qu'ils adorent qui ont créé, ou qui donnent la subsistance, ou qui font vivre et mourir. Hein? Ils ne reconnaissent pas. Hein? بل لا يعترفون أن هذا خاص بالله عز وجل. Ici, il dit, ils ne reconnaissent pas que ces choses-là soient spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les prennent uniquement comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah et ils leur offrent des œuvres d'adoration, des actes d'adoration, différentes sortes d'adoration. Donc, ils ne reconnaissent pas que l'adoration, c'est spécifique à Allah. Ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs et il leur offre des actes d'adoration dans le but de, soi-disant, de que ces êtres-là les rapprochent plus d'Allah. Et ça, c'est la religion des mouchriquins. C'est la religion des gens de la jahiliya. C'est la religion des gens aujourd'hui qui adorent les tombes parmi ceux qui se disent musulmans. C'est la religion de tous les mouchriquins. C'est la religion même des chrétiens, des juifs. C'est la religion de tous les koufars et mouchriquins. Et donc, le cheikh, il dit ça fait partie de la jahiliya. Après, il dit, il y a l'exagération aussi au sujet des tombes qui rentrent là-dedans. Le fait qu'ils construisent des mausolées par-dessus et des constructions, des dômes, des tombeaux par-dessus. Et qu'ils mettent des chandelles à ces endroits-là. Et ils mettent des couvertures par-dessus les tombeaux qu'ils ont fabriqués pour les embellir. Et ils mettent des inscriptions par-dessus, ils écrivent dessus. Et ils les plâtrent, hein, ils mettent du plâtre blanc autour, même ils mettent de la chaux parfois par-dessus pour la décorer. Tout ça, c'est des expressions et des manifestations d'exagération au sujet des hommes pieux et des prophètes, de l'adoration des hommes pieux et des prophètes. Donc c'est de l'exagération, ça. C'est ça qui amène les gens à tomber dans le shirk. Et tout ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ça. On a clarifié ces points-là. Et demain, Inch'Allah, on continuera avec la suite de la clarification de ces différents points qui font partie des exemples de la religion des gens de la Jahiliya. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.